vous étiez loin de la tourmente. Vous étiez encore agneline et vous rêviez de crinoline, de robe longue, de valse lente. Et puis que l'on vous complimente sur votre teint de coralline, à faire pâlir l'opaline, vos yeux étaient couleur de menthe. Vous aviez nombre d'avantages et vouliez que l'on ronsardise en pensant à ces mignardises dessous votre décolletage. Cela n'était pas de votre âge que l'on pêche par gourmandise en dégustant ces friandises. Dans vos yeux brûlait Carthage. Ils ont sur votre peau diaphane jeté les feux d'un vieil automne. Mais parfois les violons détonnent, parfois faute de colophane. Vous aviez voulu être femme, qu'on vous tienne et vous déboutonne. Maintenant cela vous étonne que dans vos yeux la fleur se fane. Non, ce n'était pas de votre âge que l'on pêche par gourmandise en dégustant ces friandises. Mais dans vos yeux brûlait Carthage. Vous étiez loin de la tourmente, vous étiez encore agneline et vous rêviez de crinoline, de robe longue et valse lente.